les fresques des samouraïs. Sous l'obscurité certaine de la nuit profonde, des questions inquiétantes, des lejanies cercanes, des cercanies lejanes, de l'incience qui n'est pas apercevue, de ces sentiments qui ne pouvaient plus faire ramper sa peau. Certe de desconocimiento incroyable qui vous êtes de où bien où allez-vous que pas te l'aimer et que peut être ou avec sécurité certe oubliez-vous. Ils sont noirs la nuit des souvenirs, des passions sur le sang propre, d'où exalté il va assister, de nager dans sa propre juste, que certains des souvenirs que pas l'aimer, d'où sens que pas percevu. Demain s'oublie qui a oublié. Les fraises de samouraï se désvanissent. La tine avec l'érosion se perd dans ses entrailles. Et les liens de concret s'étouffent les colos. Incroyable sentiment de diverses latitudes. Que de vos pieux se fait la or, que de vos sens se place à l'horizon. En l'obscurité certaine de la nuit profonde, des questions inquiétantes, des lejanies cercanes, des cercanies lejanes, de l'incience que pas percevue, de ses sentiments. Qui en allegré erissé sa peau. L'Ikei. Jules César. Messique.